trop plein de vices et d'habitudes, trop plein d'histoires pour pas grand chose, trop plein d'espoir et l'on implose. Petite la vie longue. La ligne qui nous sépare, grande la nuit qui se prépare.